Oh, mon Dieu, le latin, le latin. Le latin, voyez-vous, il ne nourrit pas son homme. La question du latin apparut dans le Gaulois du jeudi 2 septembre 1886.